Au secours! Au secours! Je vois la face, je crois que ça passe, il a perçu, c'est déjà ça. Je mange, prétends, je ne sais vraiment pas comment faire autrement. Je m'assume pas, alors à quoi bon dire la vérité si je la veux pas? Je suis pas prête, alors je contrôle mes yeux, mes hormones et mes gestes. J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis des années. J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis que je suis née. Au secours! Je m'insupporte, parfois je m'emporte. Je sais que c'est con, mais je reporte. Je fais semblant à un ricanement. Personne ne saura que je me mens. La tête haute, c'est important. Même si pour d'autres c'est énervant, tout mon passé est bien foulé. Pourquoi j'irais tout remuer? J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis des années. J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis que je suis né. J'emmerde, j'emmerde, j'emmerde ma vie, ma vérité. J'emmerde ma vérité, si je le fais pas, je crois que j'ai crevé. I'm coming out. No. Personne ne sait que peut-être j'ai tort. Je joue le jeu, c'est quand même mieux. Même si parfois ça sonne creux. Personne ne sait que je suis dégoûté. Que la vie rangée, ça me fait flipper. Si l'amour est un peu fade, au moins je maintiens la façade. J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis des années. J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis que je suis né. J'oublie mes instincts et je feins. C'est comme ça que je parais bien. Si parfois le monde s'écroule, je bois un coup et j'oublie tout. Je puise toute mon inspiration dans mes craintes et mes déceptions. Puis j'en fais des chansons. J'aurais peut-être l'air un peu moins con. J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis des années. J'emmerde ma vérité, je fais ça depuis que je suis né. J'emmerde, j'emmerde, j'emmerde ma vie, ma vérité. J'emmerde ma vérité, si je le fais pas, je crois que j'ai crevé.